Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. Bon, c'est la première fois, je pense, qu'on se voit et qu'on boit chacun un café. C'est malade, en plus, c'est pas le même café. Toi, tu bois un café du Transit Café, moi, je bois un café à la noisette dans une tasse Belize. Où c'est que t'as trouvé ce café-là? Ben, dans la cafetière... Ok. Je m'attendais à une plus grande histoire, mais c'est ben chill. Moi, ça fait pas si longtemps que ça que je bois du café. C'est depuis que j'étais avec Cathy, dans le fond, qui m'a fait découvrir le café. Puis à cette heure, j'en prends. Cathy, café. Les deux commencent par une syllabe K. Fait que c'est quand même cool. Mais à cette heure, j'en prends à peu près quasiment deux fois par jour parce que souvent, je suis fatigué à ma job. Fait que t'es rendu vraiment accro à cette drogue comme moi. Oui, je pense qu'on pourrait dire que j'ai un problème. C'est vrai, moi aussi j'ai l'impression que je prends de plus en plus de café, puis quand j'ai pas eu mes 2 à 3 cafés par jour, disons que je suis moins d'humeur. Fait que peut-être qu'il faudrait que je slack un peu, ou peut-être aussi qu'il faudrait que je prenne vraiment mes 2 à 3 cafés par jour, à tous les jours. Ou que tu t'assumes, je veux dire, à un moment donné, il y a pire que prendre du café, je crois. C'est bien vrai. Hey, t'as-tu passé une belle semaine à part de boire du café 2 fois par jour pendant 7 jours? Bon, mettons que je mets à part mon travail puis tous mes petits problèmes quotidiens comme à toutes les semaines, j'ai quand même passé une semaine cool. Puis je voulais te raconter parce que ça fait genre 2-3 fois que tu me parles de randonnée pédestre. Ouais, d'espèce d'aventure, de marche épouvantable. Hier, je suis parti en road trip avec Cathy. OK. À base, j'étais supposé aller à la foire geek à Québec parce que puissance maximale, je suis en train de la puissance maximale. Était là, mais finalement, je me suis fait réserver par ma blonde parce que aujourd'hui, le dimanche, le lendemain, parce qu'on enregistre ça le dimanche. Honte à nous. on pouvait pas concilier le fait que je vois Cathy aujourd'hui. Fait que finalement, j'ai skippé la foire geek. Puis je suis parti à l'aventure pour aller jusqu'à Sherbrooke. Ah. Parce que Kim, la fille qui organise l'Animaracon, où est-ce que je participais puis que j'aidais à organiser l'événement, elle faisait un souper pour le staff de l'événement. Tu m'as parlé de randonnée pédestre. J'étais sûr que t'étais allé monter le Morford à Sherbrooke, mais là, c'était un peu moins excitant. Hier, il faisait quand même beau, mais il a mouillé quand même un bon bout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vendredi qu'il faisait très, très beau. Ouais. Hier, la température était quand même cool, mais il a mouillé pas mal, puis ça restait gris tout le long, fait qu'on voulait pas partir trop loin non plus. Ouais, je vois. Mais bref, on se lève, on prend beaucoup de temps pour se préparer. On dit comme, à 9h30, on va être parti. Il était rendu 10h15, on était encore en train de se préparer. Et finalement, on part vers 10h30. Ouais. Ok. On fly. Là, on part à route. C'est Cathy qui conduisait parce que le soir, Cathy est plus fatiguée que moi. Fait que c'est moi qui allais conduire le soir. Ok, je comprends. J'étais comme 10h30 le soir. C'était un peu tard pour partir, pour aller souper. Là. Ouais. Mais non, on fait pas ça, nous. Ok. Nous autres, on part le matin. Ouais, on va juste qu'à Trois-Rivières. Fait que ça avait vraiment une heure de route parce que j'habite quand même à Neuville. Puis ouais, là, on a arrêté de manger au Quiznos. OK. Fait que là, Cathy a commencé à compter ses calories pour comme prendre conscience de ce qu'elle mange dans une journée. Puis elle a pris un 9 pouces puis il y avait au-dessus de 700 calories dans son sandwich. OK, fait que là, elle capotait. Fait que là, elle était comme, bon, ben ça a l'air que c'est pas aujourd'hui que je vais perdre du poids. Pas comme si elle était très grosse, Cathy. Là, non, mais... T'as le corps très svelte, Cathy, là. On t'aime beaucoup, Cathy. Ouais, c'est t'es ça. Bien bien. Ben oui. Mais non, c'est juste pour. C'est juste pour se conscientiser. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Cathy, c'est elle qui fait les intros des chroniques. Ah, c'est elle qui fait les transitions. Ben oui. Tu viens de dévoiler les secrets, ça va être dans nos meilleurs moments. Les meilleurs moments. Ah, c'est la fausse qu'on a découvert, c'était qui le narrateur. Fait que c'est ça. Fait que là, on mange ça. Là, on est prêt pour partir. On est bien rempli. En fait, au début, on voulait se faire des sandwichs, mais on a oublié de sortir les pains du congélateur. Fait que vous arrêtez des sandwichs glacés. Ah ouais, glacés. Mais là, on n'avait pas de crème glacée. Fait que fuck ça. Fait qu'on a mangé un sandwich au Quiznos. Puis là, on part vers Sherbrooke. OK. Puis là, on a fait quand même encore 1h30 de route. Puis là, finalement, on a décidé de dévier de la... de l'autoroute pour passer dans une petite, un petit... fait qu'au lieu de faire comme le chemin direct, on a fait un 90. Fait qu'on a comme quitté Pythagore. Ok, c'est excitant quand même. On a suivi les deux autres côtés du triangle. Ben oui, c'est quoi déjà? C'est les abscisses? Ouais, non, c'est pas... Non. Et... Je sais plus. Je le sais plus. Bon, l'hypoténuse on est... et les... En tout cas, ouais, l'hypoténuse puis les arêtes. On va dire que c'est des arêtes. c'est un triangle sur un cube. Ben finalement, c'est là que ça commence un peu notre road trip. On passe des petits trucs, puis là, on voit marché. Hey, c'est cool, un marché. Mm-hmm. Fait que là, on arrive, ça fermait à 3h. Il était rendu 2h10. C'est comme, ben c'est parfait. Mais c'est merveilleux. Fait que là, on arrive, Christy, je vois deux filles topless. J'exagère. Topless? Ben non, oui. C'est des jeunes mamans qui allaitaient leur bébé. Mais tu sais, j'arrive, puis première chose que je vois, c'est deux mamans avec leur sein sorti. Ouais. Fait que, tu sais. Moi, je veux faire une parenthèse. Il y a beaucoup de posts que je vois sur Facebook, genre, ah, ben pourquoi ça vous dérange, c'est naturel, les femmes qui allaitent des bébés en public, tu sais, arrêtez de capoter pour ça. Premièrement, je tiens à dire, j'ai jamais vu personne se scandaliser pour faire un article dans le Journal de Québec à propos des mamans qui allaitaient en public. Puis deuxièmement, je veux dire, il y a des endroits spécifiques. C'est correct d'allaiter, puis il y a d'autres endroits où ce qui me semble c'est un petit peu bizarre malgré tout. Je pense qu'on a une culture dans laquelle le sein est beaucoup valorisé comme une partie du corps sexualisé, puis c'est peut-être pour ça que certaines personnes s'offusquent à avoir des seins en public. Fin de la parenthèse. Ouais, peut-être. On devrait plutôt conscientiser les hommes qui passent leur temps à regarder ça au lieu de dire aux oui. femmes de se cacher. Fait que, tu sais, j'ai pas fait mon gros voyeur, hey mon dieu, j'ai vu des seins, mais je l'ai vu sur mon coin de l'œil, puis j'étais quand même, tu sais, je veux dire, c'est quand même le fun de voir des seins malgré tout. Bon, regarde-moi, l'autre qui parle, il était avec Cathy en plus. Ah, écoute. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire comme transition, Cathy. Ah! En tout cas, Maxime, t'es un gros connard, il aura pas le droit de rien dire à la prochaine conique. Mais ouais, fait que là, finalement, on fait le tour du marché, c'était vraiment cool, mais on n'avait pas d'argent comptant, fait qu'on a rien pu acheter. Mais on a vu un gars que Cathy, elle trouvait vraiment beau, puis qui jouait de la flûte. Il faisait des flûtes amérindiennes avec des branches. Vraiment cool, j'ai gardé sa petite carte. Peut-être qu'un jour, je vais aller m'acheter une flûte. Le vinaigrier, c'est c'est un arbre qu'il y a dans le poème d'Émile Nelligan. Non, c'est le genévrier, j'ai rien dit. Continue. Ok, ben, en tout cas, c'était vraiment cool ce qu'il faisait. C'était un beau petit flûtiste. Mm-hmm. Fait que là, on a continué. Il y avait d'autres trucs pas mal. Qui voulait. Hey, voulez-vous goûter mes olives? Puis là, t'es comme, ouais, mais on n'a pas d'argent. Tu sais, je m'en fous, je vais vous donner des olives. Fait que finalement, elle nous a donné genre bon, 6 piastres d'olives qu'on a mangé. C'est malade. Tu sais, c'est vraiment bon. Mon coup de cœur, c'était l'olive au chorizo, qui était très très bonne. Oh. Ouais, ben toi, t'es un amateur de saucisses. Ouais, ben c'est sûr que ça vient me chercher. Mais sinon, il y en a à l'ail grillé, c'était très bon. Ok. Cool. Ouais. Fait que finalement, on a fini le petit tour, j'ai pris des petites photos, on repart. Puis là, sur le chemin, on voit, on arrête à une place qui était un lac, le lac Miller, ou Miller. Lac Miller. Lac Miller. Ouais. Un affaire de même. Bien sûr, Miller. Fait que là, on arrête là, puis là, il y a comme, au bout du chemin, ça arrête, il n'y a plus de chemin. Ah. On se parque là. Puis là, il y a comme une petite clairière où c'est que c'est écrit propriété privée. Puis à la fin du chemin, il y a aussi un petit pont. Okay. Fait que là, on commence à marcher sur le petit pont. Puis là, Cathy était stressée. Elle était comme, oh, pensez que c'est une propriété privée, nanana. Fait que là, on continue de s'avancer. Puis c'est genre écrit CEPAC. Fait qu'à mon avis, ça doit être quand même assez correct, ce chemin-là. Mm-hmm. Ça fait partie de la CEPAC. Ouais. Ben finalement, on prend quelques photos. Puis là, Cathy, oh, il y a des gens sur le lac, ça me dérange, j'aime pas ça. Elle s'en va vers la clairière, qui est le seul endroit spécifiquement écrit propriété privée. Oh là là! Et là, Cathy, oh, ben, j'espère qu'on n'est pas sur une propriété privée. Fait qu'elle préfère savoir qu'elle est pas correcte que de pas être sûre qu'elle est pas correcte. Oh ben! Fait que ça, c'était quand même cocasse. Puis finalement, après ça, on a réussi à trouver un petit chemin de randonnée. Puis on a marché, c'est un petit chemin, on a marché pendant 2,5 km. Puis c'est là que j'ai trouvé mon premier trèfle à quatre feuilles à vie. Tout de suite après avoir dit à Cathy, j'ai jamais trouvé de trèfle à quatre feuilles. Félicitations. Hey, merci. Je n'ai jamais trouvé, moi, pour ma part. Ça fait 20 ans que je suis au monde, puis ça fait 20 ans que j'ai toujours pas trouvé de trèfle à quatre feuilles, sauf une boîte de Lucky Charm. Fait que je te confirme que ce n'est pas un mythe et ça existe, ben, des trèfles à quatre cool. feuilles. Cool. J'étais vraiment content. Fait que tout ça ensemble, ça a été vraiment une belle journée de randonnée, de trouvailles, puis c'est ça, au bout du chemin, il y avait une petite cabane, une cache. Ben, c'était pas une cache, je pense que ça fait partie de la CEPAC, puis c'était comme, okay. C'est le gouvernement qui paye pour ça, puis je pense que c'est juste ouvert l'hiver parce qu'il y avait une cheminée. Okay. C'est comme un endroit où c'est que tu peux t'arrêter puis te réchauffer. Ah, mais là, c'était cool. Fermé, puis les chiottes aussi étaient fermées. Fait que j'étais un peu déçu, fait que j'avais vraiment envie de faire caca. J'ai pas pu aller là. Bon. Il a fallu que j'attende un autre 2 km avant de revenir au véhicule puis pour aller trouver une place où y aller. Puis finalement, on était mangé dans un magasin de manga des ramen où c'est qu'il manquait beaucoup de choses dans nos bols, mais c'était très bon. Bon, je vais faire ça très très court pour ma semaine, Maxime, parce que dans le fond, j'étais malade toute la semaine. Oh non! Ben oui, Rosalie a fait une amygdalite, j'ai fait une sinusite, j'ai fait de la fièvre, je suis resté dans mon lit. D'ailleurs, je suis encore un petit peu malade, fait que je vous donnerai pas de bec, là, mais en tout cas... Merci de vous voyez, Guillaume. Ouais, mais ça me fait vraiment plaisir. Ce qui fait que, peut-être la seule chose que je voulais dire qui me semblait intéressante pour la semaine... c'est que j'étais très paresseux à cause que j'étais malade, ce qui fait que j'ai pas vraiment fait de vaisselle, j'ai pas vraiment fait de lavage, ce qui fait que depuis 3 jours, je porte des shorts au lieu des bobettes. Puis je trouve ça très très drôle. Mais là, aujourd'hui, je les ai parce que j'ai fini par faire mon lavage, okay. Ça va un petit peu mieux. Mais hier, j'étais vraiment malade, là, j'avais l'impression que j'allais vomir dans le salon de quai pendant que je travaillais. Mais c'est ça, j'ai porté des shorts au lieu des boxeurs pendant 3 jours. Et je me suis ramassé avec beaucoup, beaucoup de vaisselle. Ce qui fait que, plutôt que de faire ma vaisselle, j'ai parti mon lave-vaisselle, je l'ai bondé à la mort... Puis, ben, c'est ça, j'avais plus rien pour manger, là, ce qui fait que je suis allé manger dans des restaurants au lieu de laver ma vaisselle. Et le choix économique, Guillaume. Oh que oui, mon cher. À part ça, ben, j'ai gamé beaucoup parce que, ben, ça me tentait pas de sortir, même s'il faisait fucking beau cette semaine. Mais, ouais, ma semaine était vraiment plate, Max. Ben, au moins, de ce que j'en retiens, c'est que tu portes des shorts au lieu de porter des bobettes, pis pas le contraire. Ça tombe bien que Guillaume soit allé au resto souvent cette semaine, car les Frangins reçoivent aujourd'hui leur bon ami David Tardy, qui est improvisateur, mais aussi, surtout, chef cuisinier. Là, les gars, je sais qu'après dimanche passé, vous avez dit « rentrez 2 minutes », là, mais ça fait une semaine que vous êtes chez nous, là. Ah, oh, OK! Fait que c'est... Oh! Dans le fond, le café que t'as pris, c'est dans la cafetière à David. Oh! C'était le mien. Ben, je suis désolé, hein? Je me sentais tellement chez nous, j'étais sûr que c'était le 17 Avenue des Pins, ici. Ouais, ben, je trouvais que la décoration avait changé un peu, là. Puis le quartier aussi, là. On s'entend que maison de campagne à Limoilou, c'est curieux, là, mais... Il y a des loups à ça, à Limoilou, mais quand même... Ah, ben, excusez, là, moi, j'étais bien assis dans le divan. J'étais sûr que j'étais chez nous. Écoute, là, je sais qu'on est revenu de Trois-Rivières, puis on était rendu proche, puis tout, là, mais... T'sais, j'aimerais savoir ma propre intimité pis ma propre maison, un petit peu. Ok, ben il nous reste à peu près 1 heure à vivre ici pis après ça on s'en va. Bon, c'est bien parce que j'aime ça moi, le 17 Avenue des Pins. Vous êtes les bienvenus les gars. Ah oh, ben c'est gentil, ben t'as qu'à être là. T'as-tu des trucs que t'aimes dans la vie, des trucs que t'aimerais ça nous jaser? Ben les gars, ça tombe bien parce que ça fait des années que j'aimerais ça faire une chronique qui s'appellerait Mon grain de sel, chanteur de Jean-Luc. Chanteur de Jean-Luc. Hey, t'es déjà dans l'esprit de l'émission, j'adore. Ouais, donc c'est pas une chronique sur les moustaches, mais une chronique sur la cuisine. Samedi passé, donc... Avant d'aller à Trois-Rivières. Avant d'aller à Trois-Rivières, j'étais allé au château Frontenac. Oh, ok, j'ai sûr que t'avais été au château de magasiner du linge. C'est cool. L'entrepôt. Qu'est-ce que tu faisais au château de Frontenac? C'était le food camp, qui est une activité sur 2 jours, j'ai été qu'une seule journée. Pour les foodies. Ok, mais là, je veux juste mettre les gens en contexte. Toi, avec ton deck en cinéma ou je sais pas. Avec mon deck en or et lettres. Hein. Avec ton deck en or et lettres, t'es rendu cuisinier. C'est ce que j'ai bien compris. Ah, oui, okay. Tu fais de la soupe en alphabet. Puis je fais ça. Fait que j'ai fait ça, j'ai commencé à travailler dans une cuisine pendant que je faisais mon bac à l'université. En communication, j'adore le caso. Oh, le caso. J'adore au caso. Et j'ai continué à faire ça après mon bac. Ah, oh, ah, oh, ben. En attendant. Job étudiante. Jamais appelé ça ma job alimentaire. Ah, oh, c'est quand même pas pire quand tu fais de la bouffe. Oui, oui, non, je vois le lien est clair, net et puis. Puis, ben, j'aime beaucoup la cuisine en général, puis le food camp, donc, c'était. Une activité organisée par et pour des foodies. Okay. Ce thème tellement à la mode, hashtag foodporn. Hashtag foodporn. Moi là, je passe mon temps sur Instagram à regarder des photos de tarte aux pommes. Moi, c'est Pinterest. La prend. Puis, fait que ça, c'était une journée avec plein de producteurs locaux qui étaient vraiment. Genre, les fromages de Charlevoix, la bière de Charlevoix, dont c'est Charlevoix qui est à Québec. Charlevoix represent. Dans l'aile sud du château Frontenac. Ben, ils sont déjà habitués d'être dans un château, fait que t'es d'un château à l'autre. Ouais, mais... on le vit bien, vive le château. C'est drôle, c'est le nom d'une bière. Ouais. Je l'avais pas compris. Moi, je savais, mais tu l'as dit. Ah, vie de château, ok. Ouais, c'est là que j'ai dit d'aller prendre oui, sur Michel, elle avait au temps perdu, ouais. Et il y avait tout plein de conférences et de dégustations, c'est vraiment intéressant parce que c'était ce qu'ils nous faisaient comme plat, on l'avait en format bouché pendant l'heure qui était là, des trucs super intéressants. Ben, c'est-tu plus des conférences pratiques ou des conférences théoriques? C'était très, c'est très pratique parce qu'ils faisaient un plat, fait qu'ils nous parlaient de ce qu'ils faisaient ou de leur vision de la cuisine. Okay. Il y avait le chef et propriétaire du Clocher Penché. Et c'est à Québec, la première plantation, puis je ne fais pas le tour de tout ce qu'il y avait, mais lui, c'est super intéressant, parce qu'il nous parlait de la récupération alimentaire. Autrement dit, c'est un bouillon qui était fait à base de pelures, d'oignons et de tronçons de maïs. OK. Avec des choses que normalement, tu garderais pas. Non, mais là, dans le compost, mais là, on composterait, mais en fait, tout le côté saveur est quand même là. Mm-hmm. Fait, si tu utilises, mettons, l'oignon à son plein potentiel, c'est au niveau, dans une cuisine, ça permet de rentabiliser deux fois plus son aliment. Mm-hmm. Fait que ça devient super profitable, puis c'était très, très, très goûteux. Fait que c'était super intéressant, et le gars était drôle comme un pinson. Oh! Drôle comme un pinson dans le buisson. Oui. Le petit pinson dans le buisson faisait du bouillon avec des cotons. Fait que j'ai passé ma journée là, c'est vraiment, vraiment super intéressant. T'as même pris une photo de profil là-bas, oui, je pense. La meilleure photo de profil ever, c'est moi et le chef Martin Junot, chef du Pastaga à Montréal. Je fais de la blague au cas où qui m'aide à manger là après. qui a pris une photo qui, là, c'est sûr à la radio, c'est moins pratique. Mais. Au pire, on la mettra sur la page Facebook. Oui. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment géniale comme photo, là. On aurait voulu la stager, on n'aurait pas été capable, je pense. Non, mais t'sais, c'est sûr que c'est un peu triste pour lui parce que t'es vraiment plus beau, là, oui, mais... En même temps, hein, c'est pas de sa faute, là, il vit à Montréal. toi, David, tu dis que tu travailles dans une cuisine. C'est à quel endroit tu travailles exactement? Puis quel rôle t'as dans cette cuisine-là? Alors, je travaille à la microbrasserie La Corrigan, okay. Dans Saint-Roch. Fait que, est-ce que c'est une très, très petite place? Non. Non, quoi que parfois, on pourrait y penser. Mais, en fait, c'est une microbrasserie, c'est... en fait, on brasse notre propre bière sur place. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, c'est le terme de technique pour désigner les endroits où la bière qu'on vend est fabriquée sur place. Oh, ok, je le savais. Alors, je savais, tu savais. Hey, parlant de microbrasserie, hier, j'ai dit que j'avais fait un road trip. Hier, j'ai été au Ciboire à Sherbrooke. Et c'était vraiment cool, pour vrai. Puis, le principe de la place, c'est qu'ils font des jeux de mots sur tout, avec six boires. Comme, on a pris une palette de dégustation, puis les bières s'appellent un boire. Donc, il y avait six bières, donc il y avait six boires. Donc, j'ai pris six boires au six boires. Ah! Ah, je la comprends. Ben, je vais te laisser continuer, je m'excuse, je voulais pas te voir. C'est parfait. Donc, ouais, donc, on brasse une bière sur place, puis... La cuisine, et on travaille beaucoup la bière dans nos recettes, mais on travaille aussi les éléments de la bière, donc les éléments de la fabrication de la bière. Exemple, on utilise la drèche qui est le résultant du malt quand une fois qu'il bouillit. Ok. Au lieu de le jeter, Faites du bouillon. Non. Non, on s'en sert. Dans nos boulettes, au lieu de mettre la chapelure, okay. On met de la drèche à l'intérieur, ça met la consistance, puis on récupère des éléments de la fabrication de la bière dans d'autres, à d'autres fins. Surtout, tu manges un burger, t'es chaud d'ail. T'es chaud d'ail. Mais tu sais, c'est toujours bien parce que veux pas le milieu de l'alimentation, c'est pas facile, il y a beaucoup de pertes. Fait... Tout ce que tu peux ne pas jeter, c'est un gain. C'est un plus pour... Je dirais ça au Tim Hortons, moi. Hey, moi, j'ai deux questions à propos de la Corrigan. Un, d'où c'est que ça vient, ce nom-là? Puis deux, c'est quoi que tu recommandes comme bière fétiche là-bas? Ben, le nom de la Korrigan, c'est un nom d'un voilier. Ok. C'est vraiment drôle parce que j'ai lu le truc genre deux jours. Yes! Ouais, c'est d'abord. Hashtag timing. Et donc, c'est le nom d'un voilier qui avait fait le traversée de l'Europe. Si ma mémoire est bonne. Ok. Et donc, c'est là que le nom vient. Mm-hmm. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec la Korrigan, c'est que c'est un tableau. La menu de bière qui est très très changeant. Mm-hmm. On essaye. J'ai honte comme si je brassais quelque chose là-bas. l'objectif c'est d'avoir toujours au moins une blonde, une rousse, une brune, une noire sur le. Puis des bières de saison qui se promènent. Ma préférée c'est la miel urbaine. Ok. C'est une bière à bord d'urbanisme. on voit des formes carrées, du blanc cassé. Voilà. Mais, bière au miel, évidemment. Oui. Et, mais en ce moment, elle est pas sur le menu, fait une bonne chose. Ah! J'avoue. Hey, j'avais une question pour toi à propos de la Korrigan. Moi, j'étais un adepte du bureau de poste, là, pour te vexer. Mais comme, à côté du bureau de poste, il y a la Korrigan. Oui. Puis plus bas sur du pont. Là, on parle sûrement de chez Gaston. Hein? Je me parlais de chez Gaston. Et chez Gaston? Ben. Ouais, ben c'est parce que toi, je sais, tu travailles à la Korrigan, mais c'est comme plus bas sur, je me souviens, la rue sur Dorchester, exactement. Puis à côté du bureau de poste, il y a aussi la Korrigan. Moi, je suis comme tout mêlé, là. Ah, c'est, ça s'appelle un complexe géospatial temporel. En fait, c'est la terrasse qui est à l'arrière. Ok, donc, mais c'est fucking grand d'abord. C'est la manière que le local est fait. Il forme une espèce de L. Ok. C'est comme un gros bloc de Tetris. Ouais, je comprends. Parce que, hey, moi, je trouvais que, géographiquement parlant, je trouvais ça loin. Fait que je comprenais pas que ce soit exactement la même place. Ouais, ben, en fait, c'est parce que, à côté du bureau de poste, il y a comme un grand parking. Ouais. Entre le bureau de poste et la librairie Pantoute. Ouais. Moi, j'aimerais ça rajouter, que je trouve ça vraiment cool. Que le fait que la Korrigan aille un parking, parce que aller en ville puis se parquer, c'est vraiment tough. Complexe. Fait que le fait que ce bar-là ait un parking, je pense que ça doit jouer beaucoup sur le choix des gens. Ça, c'est vrai. J'imagine. C'est vrai, ça. C'est vrai, ah, ça. Merci. C'est mieux comme réponse. Mais ouais, donc c'est ça. Je voulais vous parler de l'art culinaire en général. C'est un peu ça mon petite chronique. Quoi que parler de la Korrigan, c'est toujours le fun. Je voulais juste dire aux gens à la maison qui écoutent la relève, les chefs, la chaîne à mon oreille, c'est super hot ce qu'ils font, puis même moi je trouve ça inspirant, mais la vraie réalité dans une cuisine est un petit peu différente, parce que c'est eux ont des contextes de performance, de temps, des 60 minutes pour faire 8 fois le même plat. Tandis que nous, on a des rushs de 3 heures pour sortir 230 clients. Mais pour tous ceux qui trippent cuisine et qui cherchent un métier, c'est un super de beau métier. Puis je voulais juste vous dire que c'est. Dites-vous que si j'aimais ça, embarquant dans une cuisine, vous allez tripper. Ah, cool, merci David. Hey, justement, j'ai préparé une petite carte, Maxime, veux-tu la lire? Eh hey, ben merci que tu me rendes l'appareil. C'est-tu moi l'invité chouchou? Non, tu n'as pas encore de carte chouchou. Tu peux pas être chouchou dès la première fois que tu passes au 17 Avenue des Bains. Va falloir que tu reviennes une autre fois. Donc, hey, c'est mal écrit ça. Si tu étais un bateau, toi et moi, on prendrait le large et je t'appellerais ma Korrigan. Oh. Est-ce que tu restes avec nous, David? Avec grand plaisir, étant donné qu'on est chez moi. Observant la belle complicité entre Guillaume et Maxime, David décide de les mettre au défi. Après plusieurs minutes à fouiller dans son grenier, il revient avec un curieux amas de papier entre les mains. Hey les gars, j'ai trouvé une vieille revue Chantelaine que ma mère a laissée ici. Puis il y a des questions dedans, ça vous tente-tu? Ah, une vieille revue Chantelaine de ta mère chez vous? Fait que c'est-tu ta mère qui a laissé ça ici pour que... pour que tu te rendes compte de quelque chose, là, il y a peut-être des articles sur comment s'en faire une petite copine dedans. J'ai peut-être un message subtil. Ah non, mais moi ça me tente. Moi je pense que moi pis Guillaume, on se connaît quand même un peu. Ben, je pense que oui. Hein, on va pas valider si c'est vraiment des frères ou si c'est juste un statement. C'est un front. Ok, fait que tu cherches là-dedans à peu près une dizaine de questions que tu pourrais me poser, que Guillaume va devoir deviner ce que je réponds, puis après ça on va faire le contraire. Ok, c'est bon. C'est fait qu'on va savoir si Guillaume me connaît plus ou si c'est moi qui connais plus Guillaume. Ok. Ok. Donc, c'est Guillaume qui répond pour Maxime. Ouais. Alors, d'après toi, quel est son film préféré? Et tu l'écris là présentement? Ok, c'est bon. Le film préféré de Maxime, c'est Retour vers le futur 2. T'étais tellement proche, mais je dois donner mon point à Captain America 2. Captain America 2? 2, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'action. Mais t'avais écrit Back to the Future en premier. Oui, mais j'ai changé. J'ai quand même à dire qu'il y avait au moins le 2 qui était bon dans les réponses. Il y avait le 2, c'est vrai. Ok, bon, ben un demi-point. C'est le demi-point le plus facile de la planète. Mais c'est vrai que Captain America 2 était bon, contrairement au premier. Ah, il en retournera pas là-dessus, Guillaume. J'ai manqué le débat sur Captain America 1 versus les non, on l'a pas encore fait, mais ça s'en vient. Aidez-moi, les gars, vous venez en parler avec vous autres. J'en aurais tellement à dire sur Crabe Rouge. Ok, alors, deuxième question. Quelle est la saison préférée de Maxime? La saison préférée de Maxime? Et si tu parles de Vivaldi, là, vous trouvez que c'est trop... De culture générale. Hey, ça va être bien. Hey, je te dirais l'automne. Hey, j'ai écrit l'automne! Yeah! Wouh! Parce que tu m'as dit que t'aimais ça à peu près 10 degrés avec de la pluie, toi. Fait que ouais, j'ai dit probablement l'automne. C'est vraiment, là, moi j'ai vraiment une température d'anglais que j'aime. T'avais un point. Yeah! Hey, t'es fort. C'est beau, les gars, comment vous connaissez. Oh, merci. Yes. Quel est son livre préféré? Oh, ton livre préféré, mon doux, ça c'est compliqué. Ouais, mais en même temps, tu poses des bonnes questions. Il faut donner le crédit à César quand César est Châtelain. Ouais. Le livre préféré de Maxime, mon doux, je sais trop pas. Je sais que Maxime t'a lu les Harry Potter, fait que je vais dire Harry Potter 4. Dans les Harry Potter, mon livre préféré, c'est le 3. Le 3? Ok. Fait que ça, c'est vrai, j'ai tout lu les Harry Potter 2 fois. Fait que c'est quand même un très bon choix, mais mon point doit aller à K-Pax, l'homme qui vient de loin. Okay. Un film livre qui a été tourné en film aussi avec Kevin Spacey. C'est très très bon, mais c'est un bon guess. Ben, c'est à peu près le seul livre que je savais que t'avais lu. Le reste, je savais que t'es avais lu pour tes cours, mais je savais pas si t'avais aimé ça ou pas, là, dans le fond, là. Ça devait faire une blague sur Superman et Kevin Spacey, mais pas maintenant. Merci! Lex Luthor. Alors, je suis en train d'écrire vraiment des bonnes questions. quel personnage Maxime aurait aimé être? Ah ben là, quel personnage? Ben si je me fie à son film préféré, je vais dire Captain America, là, mais sinon que ça, j'hésite parce que Maxime aime beaucoup les jeux vidéo, fait que peut-être qu'il va avoir choisi un personnage de jeu vidéo finalement. Oh mon doux, qu'est-ce que je vais dire? Je vais y aller quand même avec Captain America. Hey non, j'y étais avec Smitty Verbenjagger Manjensen. Il était numéro 1. Oh mon doux. C'était vraiment un bon choix. Je suis content que t'aies pris ça, là, même si ça me donne une mauvaise réponse. Mais j'ai vu que t'écrivais pendant longtemps, fait que c'était probablement pas Captain America. J'aurais dû changer. Ben, tu sais qu'il avait marqué Captain America, a.k.a. Steve Rogers. A.k.a. Celui qui a fait un bon film, mais juste le deuxième, tu sais. Il y a quand même un très bon troisième film aussi, là. C'est vrai? Regarde, Civil War, je l'ai même pas vu, Civil War. Ah, c'est assez intense. Ça, ok. Ça brasse. Mais pas de spoiler, s'il vous plaît. Non, on va arrêter. Ok, alors, une dernière question parce que sinon ça va s'étirer un peu trop. Fait que c'est ta dernière chance de dire si tu me connais ou pas. J'espère que je vais avoir la question qui tue. Quel est son point faible? Oh, le point faible de Maxime, la saucisse. C'est ça que c'est la saucisse. C'est tellement une bonne réponse. Moi, j'ai tellement de réécrit aussi. J'ai écrit mon ego. Oh, Jésus. Et mon Dieu, c'était tellement une bonne réponse, la saucisse, encore. Mais ton ego dans un boyau, ça devient une saucisse, là. Bon, ben, t'as un point et demi sur cinq. Ah, ben, quand même, c'est pas si pire, hein? Mais t'avais quand même deux très bonnes réponses. Je te donnerais 50%. 50%? Ah bon, ben, je te connais à moitié, tu sais. Bon, ben, c'est à moi d'essayer de te deviner à cette heure. C'est bon, on y va avec une première question, mon David. Qu'est-ce que le Châtelaine veut qu'on sache sur Guillaume? Hey, le Châtelaine, il y a une section sur Guillaume, justement. C'est vrai? Ah, ça ouais. S'appelle-tu... Non, je dirais pas de commentaire, continue. Alors, je dirais, est-ce que... Qu'est-ce que Guillaume pense, et là, on va être profond, sur la peine de mort? Hey, là, là. Fais des blagues, le fun, là. Hey, là, Guillaume, t'as-tu le temps d'écrire une thèse ou t'es capable de concire ça en une phrase? J'ai concis ça en une phrase, tu sais. Selon moi, Guillaume pense que l'homme ne devrait pas avoir main mise sur la mort des gens et que tout le monde a le droit de se faire repentir. C'est tellement vrai, Maxime. Wow, c'est genre exactement mon point de vue. C'est à mot pour mot en plus. Ben, je pense que c'est, ben, j'ai écrit interdit, 4 points d'exclamation, mais les 4 points d'exclamation, ça voulait dire le blablabla. Hey, je te donne un point. Hey, parce un que gros moi, point. Je suis profondément contre la peine de mort. Yes. Alors, quelque chose de plus léger maintenant. Ça va être une Coffee Crips. Quel sport Guillaume aimerait faire? Aimerait faire, ben là, c'est comme trop facile. Hey, ben, moi je répondrais. Je vais répondre le baseball. Hein? Tu te trompes? J'aimerais être lutteur professionnel. Ah oh, ouais, mais là, c'est du sport entertainment. C'est quand même du sport. Oh. Il y a le mot sport dans sport entertainment. Ah, c'est une très bonne réponse. J'aurais dû y parce penser. Parce que je fais déjà du baseball. Fait que, tu sais. Ah ouais, mais t'aurais peut-être pu vouloir en faire plus. Ouais, c'est vrai. Le baseball, toutes les saisons sont bonnes. Écoute, hein? Je pensais aux Blue Jays. Hey, chantante aux Blue Jays qui mènent une série 2-0 contre le Texas. J'ai yes. Vraiment hâte. J'en ai un Martin qui a pas fait grand chose. C'est plus Estrada qui a brillé dans les deux premiers matchs. Continue. Alors, quel est l'acteur préféré de Guillaume? T'as peu. L'acteur préféré. Hey, moi aussi, il faut Guillaume. Que j'y pense. Hulk Hogan, il est pas considéré comme acteur. J'imagine. Je réponds rien, j'ai pas encore répondu. Ouais, mais j'allais répondre The Rock. Ok, mais c'est pas The Rock. Je sais que c'est pas The Rock. Je vais y aller avec. Lui. Hey, c'est mon choix, ça. Eh hey, ben oui, hein, j'ai regardé ce qu'il écrivait pour pouvoir répondre à la même chose. Eh hey, non, c'est vraiment difficile. Parce que j'écoute pas beaucoup de films, moi. Ben, c'est ça. Mes films préférés, c'est des films d'animation. Fait que, bon, tu sais, ça donne une bonne idée, mais j'ai quand même un acteur préféré. Là, ah, ok. Pour vrai, je sais vraiment pas, ça va être qui ton acteur préféré. Fait que je vais y aller avec Johnny Depp. Parce que Johnny Depp est bon dans tout ce qu'il fait. C'était une bonne réponse, mais c'est pas lui, malheureusement. J'ai mis Hugh Jackman parce que le Prestige est mon film préféré. J'aurais dû y penser au Prestige. Mais avant de penser au Prestige, j'aurais écrit Michael Caine. Ah! Il joue même pas dedans, c'est le réalisateur. Mais non, Michael Caine, c'est le gars qui joue Alfred dans Batman avec le gars qui joue dans le Prestige, là, Christian Bale. Oui. C'est le mentor qui tue oui, les oiseaux. Oui, t'as raison, c'est moi qui se trompe. C'est qui d'abord le réalisateur qui est vraiment connu? C'est qui le réalisateur du Prestige et le gars qui a fait Interstellar, là? Nolan? Oui, Christopher Nolan. Elle n'a pas se tromper avec Jonathan Nolan qui est son frère. Et Owen Nolan, le grand début avec les Nordiques de Québec. Bon, il reste combien de questions à te poser, Guillaume? Deux. Ok, deux. Grande vitesse. Alors, quel légume il déteste? Quel légume je déteste? T'as peu, il faut que je réfléchisse parce que je sais que j'en ai un, c'est... Il est végétarien, il aime tous les légumes, c'est dans la définition. Ben regarde, j'ai écrit pas un légume que je déteste, mais un légume que j'aime pas, tu sais. Le bœuf n'est pas considéré comme un légume. Tu sais, genre quand je vois chez Subway, j'en mets pas, t'sais. Oh, c'est dans Subway, ça c'est quelque aussi. Chose qui est tôt Subway, je vais dire les pickles. Bonne réponse! Oh, bravo! Yeah! J'ai écrit les cornichons. J'aime beaucoup, là. Les cornichons, j'en mange, mais j'aime pas particulièrement ça. Si j'ai l'option de les enlever, je les enlève. Et la dernière question, alors on va aller avec quelle est la ville préférée à Guillaume? Ça, c'est. Ben, pour moi, c'est facile. Pour toi, probablement pas. La ville préférée à Guillaume? C'est pas Boischatel, ça, c'est un indice. Bon, ben, écoute, je sais que t'as pas nécessairement. Beaucoup voyager non, dans ta vrai. Vie. Mais c'est pas une ville dans laquelle je suis déjà allé. C'est une ville que j'aime à cause de son histoire puis de toutes les à côté, mettons. Dublin, hein? Je vais y aller avec Rome parce que tous les chemins mènent là-bas. Fait que j'imagine toutes les questions mènent à Rome. Et non, malheureusement, mais je pense pas qu'il y ait un chemin, ben oui, probablement aérien, là, mais pas par la route. Atlantis. C'est Chicago, ma ville préférée. Ah, oh, ouais. Il y a beaucoup d'histoires de Chicago, puis... puis il y a The Coach. Oui, CM exactement, Punk. CM Punk vient de Chicago. Mais malgré tout, Maxime, t'as une meilleure note que moi, tu finis avec 2 sur 5. Oui, puis j'ai quand même réussi à avoir la définition de la peine de mort vraiment... Hey, vraiment à point. Vraiment à point, fait que je pense que je vais avoir 51%. Ah, 51 au moins, si, ben 2 sur 5, ça ressemble à ça, là. Bon, ben merci, t'as fait un très beau travail d'animation. Je pense qu'on se connaît quand même pas pire. Tout merci ça, à Chantelaine. Tout ça, c'est grâce à Chantelaine. Fait que, est-ce qu'on finit avec un chanteur à Chantelaine? Ouais. 3, 2, 1, chanteur à Chantelaine! Tout fier de son animation réussie, David range son magazine, mais ne sait pas que Guillaume lui a préparé une épreuve de taille. Hey là, moi j'aimerais ça parler. Non, Maxime, j'ai déjà préparé quelque chose. En fait, on vient de jouer avec David. David nous a fait jouer un jeu. Là, c'est à nous d'y faire jouer un jeu. Ok, bon, ben, t'as l'air préparé, je vais te laisser faire. Je suis vraiment prêt. Donc, David, j'appelle ça une minute pour te justifier. Parfait. Je vais te donner 2 choix. T'as une minute pour te justifier. Parfait. Parfait, ok. Fait qu'on part tout de suite avec le premier choix. Taxi ou Uber? Taxi. Vas-y. Juste parce qu'il y en a plus, puis c'est plus facile à... attraper, puis au point de vue légal, je ne sais pas encore à quel point que c'est l'est, fait que par précaution, je préfère prendre de quoi qui est complètement légal que quelque chose qui l'est peut-être à moitié dans 2-3 mois, quand la loi va passer. C'est tout? Oui. Ok, ben tu fais pas une minute, parfait. Lisez ou Couillard? J'aurais réellement dit François David, juste parce qu'on a un point en commun, on a le même nom. mais si je dois faire un choix entre les deux, j'irais lire. Oh, ok. Parce que. On peut faire des jeux de mots avec élire puis éliser. Ouais, mais il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi du fait que. J'ai un fond de nationalisme en moi, puis. Un gouvernement qui ressemble à. Je t'en donne, tu m'en redonnes, un par-dessus l'autre. J'ai moins d'affinités avec ce genre de personnes-là. Même si, comme être humain, je pense que Philippe Couillard, ça serait quelqu'un d'aller prendre une bière avec, ça serait vraiment ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Il y en a vraiment smart pareil. Lisez parce qu'il y a le sang en bleu. David a le sang en bleu. Bon, Trump ou Clinton? Hillary. Hillary? Juste parce que ça serait vraiment drôle que le premier homme. Les États-Unis soit un ancien président, donc ça pourrait être Monsieur le Président, Madame la Présidente. Quand il se couche la nuit, bonne nuit Monsieur le Président, bonne nuit Madame la Présidente. Ça serait merveilleux. Et parce que moi, quelqu'un qui a déjà eu comme mal de grand-messe, vous êtes renvoyé comme tagline, comme le patron de la plus grande puissance mondiale, ça m'effraie un peu. Ouais, ben, c'est genre, tu passes sur un bouton et tu renvoies tout un pays ou tout un continent. Je suis pas sûr que ça me tente. Ouais, c'est clair que, disons, que côté social, c'est pas ce qu'il y a de plus jojo du côté républicain. Donc, voter pour. Si on vote pour Trump, on se trompe. La prochaine, c'est toutes des pour ou contre. Fait qu'on y va tout de suite. Pour ou contre le troisième lien, parlant de Gilles Lehouillier. Parlant de Gilles Lehouillier, moi, je suis pour, mais comme dirait mon bon ami. Régis Bonaparte, ça coûte 4 milliards de dollars. Déjà là, qu'on s'est payé qu'on s'est payé collectivement un CV complètement vide. Un CV à 4 millions. 400 millions. Mais 4 millions de 100 dollars. je veux dire, on peut peut-être réfléchir à d'autres opportunités, mais je suis pour l'amélioration de la congestion. Ok, c'est bon. Je comprends. Pour ou contre les pitbulls? Le chanteur, là faut que tu te... Non, pas le chanteur, je suis là, ben... Hotel room service, ça passe, ben, mais les pitbulls, les chiens, tu sais, ben, qui moi, attaquent tout le monde. Moi, en fait, je trouve ça plate, parce que je l'ai déjà dit à d'autres personnes, que si on interdit les pitbulls, quand est-ce qu'on va avoir droit à des bons spectacles de musique? Ah, c'est vrai, ben, je comprends. Je veux dire, hey, c'est malade, c'est beau. C'est genre. Je suis capable de te nommer au moins une toune, Beethoven, deux, à la limite. Les Beatles. Pitbull, même affaire. Moi, pour vrai, je manquerais de. Si Pitbull t'a interdit. Mais moi, j'ai aucune idée c'est quoi qu'il chante. Il chante un Fireball, le taxi. Il chante. Puis, ça me dit absolument rien. Hotel Room Service. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il chante vraiment? On ne sait pas. Pitbull, mythe ou réalité? J'adore d'Autotune. Pour ou contre l'élargissement d'Henri IV? Là, sérieusement, Henri, je vous aurais demandé. Hein. Mais étant donné que je prends l'autobus, mes pieds ou un vélo, je suis pas excessivement touché par la question, mais j'aimerais juste rappeler l'importance de l'étalement urbain qui est pas nécessairement une bonne chose pour l'environnement. Je suis pas contre, mais il faudrait voir tous les impacts socio-économiques et au niveau humain de la chose. Ouais, ben c'est admettons qu'il élargissait Henri IV, mais qu'il mettait des trottoirs en gazon sur le bord. Tu ah, là, je serais Guillaume, je t'ai dit, j'ai fucking rien compris ton concept de trottoir en gazon. Non, mais moi, j'ai compris, là, c'est vraiment cool. Non, c'est ça, c'est facile. Canadien ou Blue Jays? Hey, on s'est comme parlé, genre, surtout les pommes ou les oranges. Non, ben, je veux dire, c'est les deux équipes canadiennes de l'heure, si on veut. Absolument. Je vais dire le Canadien de Montréal, juste parce que je comprends juste plus la game de. Parce que les games de baseball, après 8 manches, je m'endors. Ah, ok, fait que tu manques le meilleur. Ben, sûrement. j'ai jamais écouté. Ah, ben. Je suis plus en hockey que baseball, donc je vais dire Canadien de Montréal. Ok. Même si je suis un grand fan des Remparts. Ah, ben, ouais. En même temps, les Blue Jays, ils ont pas de radou. Non, mais non. Ils ont quand même un Québécois, tu sais, en Russell Martin. Non, mais en même temps, les équipes ont un point en commun, il y a deux joueurs qui s'appellent Price. C'est vrai, David Price est à Toronto. Et Kevin Price. Canadien au Montréal, Price. Price, voilà. L'édifice Price. Pour ou contre le retour des Nordiques? Complètement pour. Complètement pour? Il l'a dit, il a le sang bleu. Le sang bleu, c'est conséquent mes réponses, là. je suis pas un cave qui fait des jokes, là. Mais j'aimerais ça te voir en escarpin. Écoute, n'importe quoi. plus sérieusement, c'est une question plus sérieuse. Je suis vraiment pas parce que, je pense que la ville de Québec est un marché de hockey naturel, bien plus que des équipes dans le sud des États-Unis, où est-ce qu'ils essaient de se faire croire que ça marche, ou des équipes en Chine qui ont 550 personnes qui vont voir le hockey. Je pense qu'on est capable d'avoir plus de monde dans le match d'impro que dans l'amphithéâtre qui va en Chine. moi, je pense qu'on devrait donner des priorités à des marchés de hockey naturel. Puis Québec est capable de. Je suis convaincu de souffler. 3, 2, 1. T'as fini ton temps. Bon, ok. Pour ou contre l'austérité? Je suis contre. Contre? Eh oui, j'ai changé de blague. je suis contre parce que. Ça devient. Je suis contre les maximes. Pas Maxime Toué, là. Ouais, j'espère. Mais Maxime Dorval, un peu. Maxime Lapierre, puis quoi? Mais ou Maxime Bernier. Maxime Bernier! Non, en vrai, Maxime Bernier, on met de la bourse sous les deux, je te respecte. Nice. Pour vrai, je compte l'austérité quand ça devient un carcan puis une doctrine. Est-ce qu'on doit être plus serré dans les finances publiques? Absolument. Est-ce que ça va être une raison pour couper des services ou enlever des trucs à la population de base? Non, je suis convaincu qu'il y a d'autres moyens au niveau comptable pour aller chercher de l'argent. J'aime beaucoup l'idée de 3, ceux qui en font plus 2, en donnent plus. 1, ça c'est vrai. Chandler à Mitch Bernier qui donne 100 millions en impôts cette année. Ah, c'est donc bien hot. Pour ou contre un pipeline qui traverse le Québec? Ils vont passer où? On n'a même pas place pour en rentrer en 4. Ben, essentiellement. C'est ça le troisième lien. Ouais, ça serait pas pire. Le monorail serait sur le pipeline. Voilà. j'ai pas lu les études du BAP. Mais moi, ça me dit transport de gaz naturel à travers le Québec dans des trucs. C'est du pétrole. Du pétrole. J'ai une petite crainte au niveau environnemental. S'il me prouve que c'est sécuritaire, que c'est bénéfique pour le Québec, je suis pas contre la nature, mais... Je te confirme que c'est ni l'un ni l'autre. Alors... Parce que le pipeline, c'est pour envoyer notre essence en Europe. En Europe. Puis les pipelines qui existent déjà, il y a déjà plein d'incidents qui arrivent à toutes les années. Fait que c'est ni l'un ni l'autre. Alors, de ce fait, je serais complètement con. Cool. Denis Barbu ou Denis Palette? Ah, Denis Barbu. Denis Barbu? Ouais. Ça fait beaucoup plus rire. quelqu'un qui son puis quelqu'un qui saute partout en ayant l'air de s'étouffer en riant, ça s'est déjà vu là. José Godette l'a fait depuis des années. Faudrait arrêter. Oh mon dieu, wow. Dernière question, David, pour ou contre les infos pubs? Ah, je suis pour parce que genre, qu'est-ce que j'écouterais dans la nuit, moi? V, anciennement TQS, vraiment fait son argent avec ça. Ben oui. Puis comment on aurait pu connaître Louis-José Mondou, autrement je parle des infos pubs. Hein, les têtes à tlac. Aurait eu aucun sujet de conversation. Il aurait pas pu faire des parodies. Il aurait jamais eu le succès. Je suis vraiment pour les infos pubs. Merci à ma carte de crédit qui me permet pas de lâcher plus que 1000$ par jour. Hey, c'est plus des très bonnes réponses. David, je vais te donner ton score pour chaque question. Première question, tu te fais ça en 15 secondes. La deuxième, 57, 52, 40, 53, 44, 45, 1 minute 1, 1 minute, 1 minute 4 et 27 secondes. Ouais, mais c'est quand les sujets sont bons, on a le goût d'en dire plus. Merci David. Hey, merci à vous autres. Beaucoup, beaucoup de bons sujets, de bonnes réponses. Et ben. Bon jeu, Guillaume. Cool, ça a été super intéressant de t'entendre. T'es hyper socialement. Comment je dirais bien ça, informé. Maxime trouvant le climat un peu trop sérieux, il sort de sa poche une liste de comparaisons douteuses et décide que c'est à son tour d'animer un jeu questionnaire. Bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon bon. J'entends aux appendices. Et non, je ne suis pas un médecin aujourd'hui, mais j'ai préparé moi aussi une chronique. Je pense que c'est le 17 avenue des Pins le plus préparé de l'histoire à date. C'est donc bien drôle. On a plein de chroniques à préparer, puis on a beaucoup de jeux aussi, c'est le fun. Ben oui, on s'est dit la semaine passée, on était très politisés, on a beaucoup parlé de sujets sérieux, genre le patin artistique. Fait que cette semaine, ça va être un peu plus le fun. Du sujet de fun. Oui, fait que ça te tente-tu de jouer? Oui. Ouais. Est-ce que ça te tente de jouer, Guillaume? Et que ça me tente. Donc, jouons au jeu que je viens d'inventer. Devinez des parties du corps avec des titres qui ressemblent à des titres de films. Est-ce qu'on a besoin d'un buzzer, un son de buzzer chacun? Ok, Guillaume, ça va être quoi ton son de buzzer? Ça, c'est quand Guillaume a une réponse à dire. Et toi, David? Buzzer. Fait qu'on répète pour ceux qui sont pas très vite à la maison. C'est pour Guillaume, mais buzzer, c'est pour David. Ouais, c'est bon ça. Fait que là, je vais vous donner un petit exemple de quoi ça ressemble. Ok. Fait que là, le but, c'est de deviner une partie du corps. Ça peut être des os, des organes, n'importe quoi. T'sais, tant que ça fait partie du corps, puis je vais vous donner comme un slogan qui représente ça. Fait que mettons que je dis « bras, le dernier chapitre », vous pensez que c'est quoi la réponse? Buzzer. Les doigts? Je vais laisser Guillaume me donner une réponse aussi, vu que c'est les mains. Bon, ben j'avais écrit mains slash doigts, parce que j'étais pas capable de me décider si je présentais lequel. Les deux bonnes réponses. Yeah! Fait que vous comprenez exactement c'est quoi le concept. Fait ok, je comprends. Fait que là, faut trouver plein d'autres trucs, j'en ai écrit plusieurs. Fait que je vais commencer à lire les titres. Ok, c'est bon. Première question. Oh, j'ai aussi compté les points, je vais faire un petit tableau. Là, c'est compétitif, d'ailleurs, on va forcer. David, Guillaume, ok, le tableau de pointage est prêt. Les buzzers. Hey, je vérifiais si mon buzzer marchait. Là, arrête d'appuyer sur ton cheval, Guillaume. Oh, ok, première question. Le mini forgeron. Oui. L'étrier. Droit de réplique. Buzzer. L'enclume. Un autre doigt de réplique. L'oreille. Dernier doigt de réplique. Buzzer. Le marteau. Bon, je vais vous donner chacun un demi-point. La réponse était les osselets. Ah, les osselets. C'est l'ensemble des petits os qui... Je comprends, mais c'est vrai qu'il y a un marteau, un enclume et un étrier. Fait que vous avez tous eu. Fait que là, au fond, Fait que vu que vous avez tous deviné les os, je vais donner 2 points à David parce qu'il en a trouvé 2, puis 1 point à Guillaume parce qu'il en a trouvé 1. C'est vrai, effectivement. Voilà. Excellent. Deuxième question. Maman, ça n'arrête plus de grandir. Bonjour. Oui. Les cheveux. Oui, c'est un bel essai, mais ce n'est pas la réponse qu'on cherche. Les pieds. Je suis pas mal sûr que les pieds finissent de grandir à un moment dans la vie. David, as-tu un autre choix de réponse? Je dirais les ongles. C'est une bonne réponse! Ding, ding, ding, ding, ding. Ah, en effet, bon, les ongles n'arrêtent pas de grandir. Et si je me trompe pas, j'ai déjà lu ça sur Wikipédia, les ongles continuent de grandir même après la mort. Et Wikipédia, c'est reconnu par toute source fiable à 100%. Ben oui, on entend ça dans les informateurs. Shout out à Christian. Hey, salut Christian, on se voit bientôt. Ok, troisième question. L'incroyable Hulk sans verre et sans colère. Yeah! Oui. Le corps. Et... non, je vois où est-ce que tu t'en vas avec ça, mais ce n'est pas la réponse. David. Okay. Alors, je vais essayer une réponse au hasard et je vais dire le cou. Hey, je le sais, non, Maxime. C'est pas le cou. Yeah. Guillaume. Mon pénis, vu que c'est très gros. C'est le pénis. Yes. En effet, comme l'incroyable Hulk, une fois excité, il grandit. Mais contrairement à l'incroyable Hulk, c'est pas supposé être vert et ça n'arrive pas quand on est en colère. Ça, c'est discutable, Maxime. pour les deux options. Je tiens à dire que c'est pas des titres de vrais films, mais pouvez-vous vous imaginer ce serait quoi un film avec ces titres-là? Il y en a qui s'en viennent qui sont quand même drôles. OK. Quatrième question. Séparation, l'histoire d'une cicatrice. La craque de fesses. T'as pas écouté le nom du titre au complet, Guillaume? Buzzer. Le nombril. C'était le nombril, c'est l'histoire d'une cicatrice. Oh, zut. C'est pas une cicatrice, l'entrefesse. Oh non! Ben. c'était drôle, ça. Bon, cinquième question. Je suis pas la sixième? Non, c'est la cinquième. Ah, c'est parce qu'on a eu 2 points la première. Ouais, c'est pour exactement. Ça. Okay, c'est beau. Cinquième question. Celui-là, je pense que ça va être un peu difficile. Les cyborgs malsains. Les cyborgs malsains. Et c'est la première fois que... Buzzer. Oui? Les synapses. Non. C'est un bon... C'est un bel essai. Ce n'est pas les synapses. Ouais. Hey, je me sens comme l'animateur. Je vais dire les yeux. Non. Parce que les cyborgs, ils n'ont pas d'yeux. On est-tu avec Charles Tisseur? Je suis pas courant. Non, on n'est pas avec Charles Tisseur. Les cyborgs malsains. Voyons, c'est comment il s'appelle là, l'animateur de toutes les émissions de télé Radio-Canada? Joël Legendre. Non. Non, Fred qui te parle, Charles Lafortune. Non, Silence on joue. Patrice. Patrice. Je me sens comme Patrice Lécuyer en ce moment. Je connais la réponse, mais pas vous. Est-ce que vous voulez essayer? Cyborg malsain. Yeah! Oui, Guillaume. Le pacemaker. Et non, c'est un bel essai. David, en même temps, ça fait du sens parce que si le cœur est défaillant, ça te prend un bout de métal. Je sais pas. Non, j'ai pas de. Bon, hey, c'est le premier qui a pas de réponse. La réponse qu'on cherchait, c'était les dents. Parce que quand ils sont malsains, on leur met du métal, des plombages, comme les cyborgs. Mais le pacemaker, c'est une très bonne réponse, sauf que c'est pas une partie du corps. Ben, quand tu l'implantes, est-ce que c'est rendu une partie du corps? Je sais pas, hein. Parce que c'est dans le corps. C'est dans une partie du corps. Ouais, mais ça fait partie du corps. En tout cas, c'est son verre. C'est discutable. On va mettre un protège. On va mettre une étoile, là. On va mettre un protège là-dessus dans ce On va revenir la semaine prochaine avec la réponse de Toronto. Sixième question. Humide et translucide. Bon, ça serait quoi ce ça serait quoi le film qui porte ce titre-là? Je vous laisse deviner. Ouais, c'est les yeux. C'est les yeux. Ben oui. Hey, ça, c'est une très bonne réponse. Bravo. Merci. Bravo. La partie humide, ça aurait pu... être la craque de fesses, mais là... Transparent. Ça dépend du moment de la journée. OK. Septième question. Le tour du corps en 80 poils. Le tour du corps en 80 poils. Buzzer. Oui. Je revenais avec les cheveux. Ce n'est toujours pas les cheveux. J'ai à dire que ce n'est pas nécessairement tous les éléments du titre qui représentent parfaitement la partie du corps. Tu sais, ça... Oui. Les hanches? Oh, c'est une bonne réponse, mais c'est une mauvaise réponse. Ah, OK. C'est un bel essai, je veux dire. Mais c'est pas ça. OK. Les garçons sont en train de réfléchir. 80 poils. Le tour du corps en 80 poils. Buzzer. Oui. Ah! Oh! Oh, David? Je suis pas sûr qu'on a la même réponse. Je vais aller avec le quoi le plus, plus bizarre. Le poil de chest. Et je non, ce c'est... n'est pas le poil de chest. Yeah. La peau! La peau! Oui! Parce que la peau fait le tour de tout le corps. Puis elle a du poil! Elle a du poil. Il y a pas nécessairement 80 poils, mais ça faisait un bon titre de film. Ouais, c'était vraiment un bon film. C'est rendu égalité 4 à 4. Oh. Il reste encore quelques questions pour vous départager. Parce que là, je le trouve drôle. T'avais-tu un commentaire à dire avant qu'on continue? Non. D'accord. Donc, 8e question. Terminus, tout le monde descend. Yeah! Oui, non. Les fesses! Et c'est pas la réponse que je cherche, ben, David. J'adore les fesses aussi, fait que. Et... Je veux pas dire autre chose que ça. Je reste avec les fesses. Ah, c'est. Et... C'est pas les fesses non plus, oui. L'anus? C'est l'anus, en effet! Ouais. Oh, yeah! Yeah! Ben, c'est vraiment, tu sais, c'est. Mais l'anus, c'est une drôle de partie du corps parce que c'est un trou. Fait qu'essentiellement, la partie du corps, c'est pas de partie du corps, genre. Mais en fait, il y a des muscles liés à l'anus. C'est pas juste le trou, c'est aussi les muscles qui permettent de l'ouvrir. Hein? Je comprends. Elle prend les affaires, elle s'établit des points. Mm-hmm. Hey, Guillaume vient de prendre l'avance, David, il va falloir qu'elle se force un peu. Je pense qu'on le met dehors de chez nous. Cela aussi, il sera pas évident. 9. Le mont invisible. Le mont invisible. Bosseur. Oui. La bosse des maths. La bosse des maths? Non, c'est définitivement pas ça. Le mont invisible? Oui, le lien est un peu. Non, moi je pense que ça fit. C'est moi qui l'ai écrit, donc j'espère que ça fit. Ben, j'espère. Les recherchistes disent que c'est une bonne réponse. Yeah, oui, le cerveau? Non, non, ce n'est pas le cerveau. Je vois la partie invisible, mais c'est pas vraiment le mont. Bosseur. Oui. La boîte crânienne. Non plus. Guillaume, c'est ta dernière chance, je veux dire la pomme d'Adam. Non plus, personne fait de point. La réponse que je cherchais, c'était le nez. Parce que c'est un mont dans le visage, puis on le voit jamais parce que les yeux, ils l'effacent de ce que tu vois. Moi, je le vois quand je me concentre. Quand tu te concentres, tu peux le voir, mais en réalité, tu le vois tout le temps, mais ton cerveau l'efface. Je comprends. Donc, il est invisible. C'est donc bien hot. On apprend des choses en plus d'avoir du plaisir. Ah, c'est vraiment hot. Il reste 3 questions, les gars. Go, go, go, on clenche ça comme des fous. Question 10. Blanche-Neige et les 400 millions de petits nains. Yeah. Oui. Pas les spermatozoïdes. Il s'est proche, mais c'est pas ça la réponse que je cherche. Buzzer. Oui. Les pellicules. Non, c'est pas les pellicules. Yeah. Les testicules. Les testicules. Car c'est eux autres qui produisent comme une blanche neige. Puis une éjaculation contient 3 à 4 millilitres de sperme. Et à l'intérieur d'un millilitre de sperme, il y a 100 millions de spermatozoïdes. Oh. Ce qui est genre 10 fois moins que les hamsters. On n'est pas très productif. Ah, ben quand même. Hein. Deux dernières questions. David a encore le temps de créer l'égalité. 11e titre de film. Quand est-ce qu'on arrive? Étonnamment, c'est le seul titre de film qui est un vrai titre de film. Ouais. Quand est-ce qu'on arrive? Ouh, une petite réponse. Oui, Guillaume. Les pieds? Non, c'est pas ça. C'est un très bon choix, mais c'est pas ça. Mon Dieu. Doigt de réplique à David. Je vais dire bonjour, la bouche. Non plus, je ne vois pas le lien, donc ce n'est pas une très bonne réponse. Ah, mais c'est le troisième. Yeah, je vais dire les jambes. Non plus. Ah, oh, zut. Et ta dernière chance de créer l'égalité, David. Je vais prendre la question, si vous voulez. Titre de film numéro 11, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Alors, je dirais... Le pénis. Oh, je pense que je ça le sais. Ça a déjà été dit, ce n'est pas le pénis. Je pense que je le sais. T'as plus de choix de droit à la réponse? Ouais, mais vas-y. C'est-tu la pomme d'Adam, justement? Non plus. Oh, non. La réponse était les intestins. Parce que c'est très très long. Quand est-ce qu'on arrive? David ne peut plus créer l'égalité, il reste une question. Est-ce que vous voulez faire un kit ou double ou personne gagne? Oh, kit ou double, Ok, donc la prochaine question va terminer le vainqueur et si personne l'a, personne a gagné. Ça serait dans plein vert de la classe de 5e où tout le monde gagne. Ok. C'est pas la classe de 5e, ça c'est l'école des fans. Avec Charles Lafortune. Mais je pense que l'école de 5e aussi est avec Charles Lafortune. Ouais, il est mais partout ce gars-là. Bon, dernière question. La grande destruction. Buzzer. Oui. L'estomac. C'était l'estomac! Oh, David remporte la victoire! Hey, c'est beau, David. Hey. Félicitations. 8 à 5. Il a doublé ses points. Remontée spectaculaire. De véritable fin hollywoodienne. Hey, on se serait vraiment cru dans un film hollywoodien. Eh hey, ben oui, ambiance. On pourrait recréer Slumdog Millionnaire, mais avec ces questions-là. J'aurais fait Bartlett. C'est déjà l'heure du coucou. C'est le coucou. J'espère que vous avez eu du plaisir au moins avec mon questionnaire. Ben, ouais, j'ai bien eu du plaisir. Une grosse semaine en perspective, les gars. Encore, mais ce qui me rend triste, c'est qu'il y a tout le temps 7 jours avant qu'on puisse se revoir ici, dans notre petite maison de campagne. Au 17 avenue des Pins. Merci, les gars. Salut, les gars. Hey, foutez le cap chez nous. Ouais, là. On va te laisser tranquille, David, là. Ciao, là. Salut, là. Bye-bye. Je vais vous envoyer le courrier qui s'en vient ici. OK, c'est bon, on va faire notre changement à Post-Canada. Shout-out. Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale. D'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Mieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.